Longtemps j'ai cherché mon style, sans succès, je suivais la mode. Portant le baggy casquette, blousons en cuir et robes. Après être devenu fou, j'ai trouvé mon atout. Présente au milieu de mon visage, elle fait mon charme, la moustache. Je ne serai pas seul ce soir, je suis tellement désirable. Je jette mon corps aux lionnes, attendant qu'elle se l'arrache. Je me suis mise à nu, sans autre artifice, je joue carte sur table. Debout au centre de la piste, je laisse faire la moustache. Les boucles et barbes, mais faites-moi rire, rien ne vaut l'officiel. Arrivez-vous avec vos poils, à votre nez, donnez des ailes. Oh mesdemoiselles, prenez garde, à éviter tous ces lâches qui n'osent prendre le ciseau pour se tailler la moustache. Je ne serai pas seul ce soir, j'ai une femme à ma table. Oui, j'ai rempli le fichier de cette agence matrimoniale. Quelques miettes de pain accrochées, et malgré tout, je reste fréquentable. Elle ne regarde plus dans les yeux, je remercie Dieu pour ma moustache. Quand je bois du lait, j'en ai partout. Quand je fume, ça sent le cramer. Plus elle est grosse, plus c'est risqué, mais plus c'est beau à regarder. Ma concierge trouve ça chou, elle est sous le charme de ma démarche. Quel est mon truc? Ne cherchez plus, elle aime le vent dans ma moustache. Je ne serai pas seul ce soir, je vous le dis sans arrogance. Avec la concierge une danse, mes poils s'hérissent et je me lâche. Je lui offre mon corps pour qu'elle y fasse des expériences. Vous n'oseriez pas deviner tout ce que peut faire la moustache.